pas sur la liste. C'est pas la rue mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Les rappeurs m'envient, sont tous en galère. Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. Oh, j'suis pas dans le game pour les tatas. J'suis là depuis Adidas, vrai comme l'Inastas. J'ai pas la tête de l'emploi, mais j'm'accroche, j'm'accroche. Tel ou tel, la coupole en perd. Les chiens de chaîne sont en laisse, les hyènes ressentent la tumeur. Et moi, j'suis d'humeur palestinienne, bordel. Sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas de mots émanent, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? À l'aise, je prends 2-3-4-0-6. On va péter le coccyx à 3 parce que t'es trop balèze. C'est le bon son de boule, bimi, tomate. Sur les fans, la coupie, sur les coupies. Et le Christ, bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser.